Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Alors que la Française des Jeux prépare tous ses tirages spéciaux pour Noël, ses tickets à gratter, ses gros lots faramineux, aujourd'hui nous nous intéressons aux loteries royales. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La scénette est devenue un classique de l'iconographie chrétienne, le partage des vêtements de Jésus au moment de la passion par les soldats romains. Les quatre évangiles en parlent. Dans son évangile, Saint Jean écrit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'au bas. » Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin qu'il s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les vêtements, ils ont tiré au sort la tunique. C'est ce que firent les soldats. Et quand les peintres présentent ce partage, ils montrent bien souvent les soldats en train de jouer au dé. L'Église condamne-t-elle les jeux de hasard? Le hasard est divin, elle condamne surtout le vice qui pousse à jouer les conséquences du jeu. Mais qu'en est-il du jeu dans la société d'Ancien Régime, quand le roi joue et quand il met en place des loteries, jeu de main, jeu de vilain? Mais le jeu d'aujourd'hui, c'est la loterie royale. Elisabeth Belmas, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Pouvons-nous dire que la société d'Ancien Régime est une société qui aime jouer? C'est une société qui aime jouer et à laquelle on interdit pendant très longtemps de jouer, en tout cas de jouer à des jeux de hasard et d'argent. C'est là un paradoxe que vous avez souligné dans votre introduction, puisqu'en effet, l'Église condamne par principe le jeu de hasard et d'argent, que la monarchie soutient cette condamnation, puisque n'oubliez pas, nous sommes dans une période où il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, mais qu'en même temps, les monarques accordent des autorisations ponctuelles pour organiser des académies, des cercles de jeu, et qu'eux-mêmes autorisent le jeu de hasard et d'argent à la cour. Donc nous sommes en pleine contradiction. Elisabeth Belmas, eh bien nous allons explorer cette contradiction avec vous aujourd'hui. Vous êtes professeure émérite à l'université Sorbonne Paris Nord, l'ancienne Paris 13. Vous êtes l'auteur d'ouvrages autour de cette question des jeux joués autrefois, essai sur le jeu dans la France moderne, 16e siècle à 18e siècle. C'est aux éditions Champvallon. Et puis d'un autre ouvrage, Les soldats du roi à l'hôtel des Invalides, études épidémiologique historique, parce que vous vous intéressez aussi à l'histoire de la santé. Ce n'est pas contradictoire d'étudier la construction de ces grands bâtiments, l'hôtel des Invalides, je pense à l'école militaire et le jeu, parce que à l'origine même de notre loterie, il y a l'école militaire. Tout à fait, vous avez raison, puisque c'est la loterie organisée pour la construction de l'école militaire, l'école royale militaire, en 1757, qui a servi en quelque sorte de champ d'essai à la loterie royale de France. Voilà. Et on n'arrivait pas à trouver, la monarchie n'arrivait pas à trouver suffisamment de crédit, suffisamment de fonds pour achever la construction de l'école royale militaire. Et donc, avec l'aide de Casanova, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, la monarchie a mis sur pied cette loterie qui lui a permis d'achever la construction de l'école royale militaire. C'est une histoire qui va nous conduire jusqu'à la loterie avec tous ces paradoxes entre l'interdiction du jeu et puis le plaisir du jeu. À l'école militaire, nous allons croiser Casanova et tant d'autres personnes. Mais commençons là au XVIe siècle. Attention, fuyons les vices de jeu. Jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les hommes, jamais sans les h Puyon dévisse le jeu. C'est l'ensemble Clément Jeannequin qui reprend ce chant du XVIe siècle de Roland de la Susse au XVIe siècle. Chose étonnante, nous avons déjà les prémices du jeu royal de la loterie. Elisabeth Belma, c'est quelque chose que nous pouvons croiser dans nos lectures au XVIe siècle. François Ier met en place une loterie. Alors, en vérité, la première personne à avoir introduit les procédures aléatoires est Catherine de Médicis et son entourage. La loterie existait en Italie, il y avait un grand succès. Et donc, ce sont les Italiens de sa cour qui, dès 1533, ont introduit les procédures aléatoires en France. Alors, le roi François Ier a autorisé la première loterie en 1539. Donc, on lui attribue la paternité de la loterie royale, mais malheureusement, cette loterie a beaucoup déconcerté les Français, en tout cas les Parisiens, auxquels elle s'adressait essentiellement, et elle n'a jamais été remplie, c'est-à-dire que les billets n'ont pas été achetés en totalité, et il fallait qu'ils le soient afin qu'elle puisse être tirée, et donc elle n'a jamais été tirée. Donc c'est un essai qui a tourné très vite court, même si c'est le premier souverain à avoir introduit la loterie et surtout à avoir décrété qu'elle était un monopole royal. C'est-à-dire que toutes les loteries qui se dérouleraient à l'avenir dans le royaume le seraient avec l'autorisation royale et par concession royale. C'est là un point extrêmement important qui a duré à travers les siècles, puisque jusqu'à 2019, tout ce qui concernait le jeu d'argent était entre les mains de l'État. Et quand l'État autorisait des particuliers à ouvrir les casinos ou avoir des cercles de jeu, c'était une concession révocable quand il le décidait. Jeu d'argent, jeu de hasard, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Avec toute cette réflexion, nous l'avons entendu dans ce chant de Roland de la Susse au XVIe siècle, « Fuyons des vices le jeu », il y a la condamnation morale de l'Église. L'Église condamne-t-elle le jeu de hasard ? Absolument. Et vous l'avez très bien souligné au départ, l'origine de cette condamnation est tout au moins la représentation qui s'en est faite au Moyen-Âge du partage des vêtements du Christ au pied de la croix entre des soldats au moyen d'un jeu de dés. Donc la raison pour laquelle, une des raisons en tout cas pour lesquelles l'Église condamne le jeu de hasard, c'est qu'elle utilise le tirage au sort. Or, dans la Bible, le tirage au sort était utilisé pour prendre des décisions importantes. Et tirer une décision au sort, c'est faire appel à la divinité. Donc, faire appel à la divinité pour jouer, pour une occupation futile et pour de l'argent, est considéré comme sacrilège. C'est là le fondement de la condamnation de l'Église. À cela s'ajoutent des critères et des raisons morales, c'est-à-dire que cet argent, il n'est pas gagné par le travail, et donc il est gagné par une occupation futile. Et enfin, la crainte que le jeu étant si prenant, si séduisant, donc cette crainte qu'il ne finisse par dévorer le temps, empêcher de travailler et conduire les familles à leur ruine. C'est la condamnation réfléchie, intellectuelle, presque morale, portée sur le jeu par l'Église. Mais pourtant, il y a la réalité. Alors, qu'en est-il, Elisabeth Belma, sur le terrain ? Nous pouvons nous placer à la cour, par exemple. À la cour, nous sommes sur un espace où le jeu est omniprésent. Oui, le jeu est omniprésent parce que n'oublions pas que rex lex, c'est-à-dire là où est le roi, c'est la loi. Donc, si le roi décide, et il détient le monopole, je vous l'ai indiqué, s'il décide qu'on peut tenir un jeu de hasard et d'argent autour de lui, eh bien, ce jeu peut avoir lieu puisque le roi l'a décidé. C'est une dérogation, en quelque sorte, à la règle générale. Alors, le plus extraordinaire est que la monarchie n'a jamais cessé de promulguer des lois contre le jeu de hasard et d'argent. Et jusqu'en 1781. Donc, elle n'a jamais cessé d'interdire le jeu de hasard et d'argent en général et les jeux de hasard et d'argent en particulier. Et qu'en même temps, eh bien, elle autorisait des jeux à la cour. Henri IV était un grand joueur, un joueur malheureux, et il se faisait régulièrement plumer par des professionnels italiens. Alors, il demandait de l'argent à Sully, et Sully, à son grand dam, était bien obligé de payer les dettes du roi. Et l'autre exemple que l'on cite toujours et qui est caractéristique, c'est Louis XIV, qui a autorisé des soirées d'appartements. Alors, certaines étaient dédiées à la musique, ou d'autres au théâtre, mais certaines soirées étaient entièrement vouées aux jeux de hasard et d'argent. Donc, dans le même temps, il ordonnait de pourchasser les joueurs dans le royaume. Donc, on a cette situation paradoxale d'une interdiction théorique de l'Église, mais aussi de la loi royale, et de pratiques qui sont autorisées à la cour, et je dirais de pratiques clandestines dans le royaume. Vraiment une histoire de paradoxe, hein, vous le soulignez bien, Elisabeth Belmas, entre le regard de l'Église qui l'interdit, mais pourtant le jeu est là, la monarchie qui l'interdit et qui pourtant joue. Et puis nous apprenons que sous Henri IV, il n'y a pas que la poule qui se faisait plumer pour aller au pot, il y a le roi aussi qui se faisait plumer. À quoi jouait-on au XVIIe siècle? Alors, oui, c'était une excellente image. Donc, on jouait à beaucoup à des jeux de dés, bien entendu, mais la gamme des jeux et en général, et des jeux de hasard et d'argent, se diversifient à partir du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Et l'un des grands jeux, à la fois ce qu'on peut appeler d'adresse, mais aussi de hasard et d'argent, ce sont les jeux de cartes. Les cartes sont d'une plasticité extrême, c'est-à-dire qu'avec elles, vous jouez à des jeux tout à fait innocents, si on veut, comme le piquet, qui sont des jeux d'adresse, mais vous pouvez aussi jouer à des jeux de hasard, comme le lansquenet, et au 18e, 17e, 18e, le pharaon, qui sont des jeux où on mise gros et on perd gros. Si l'on devait les comparer à des jeux d'aujourd'hui, ces jeux ressembleraient à quoi? Alors, je dirais que, par exemple, le pharaon fait penser à certains égards au blackjack. D'accord. Voilà. Ce sont des paris sur les cartes qui vont sortir, soit sur la couleur, soit sur, les points. Donc, ce sont des paris sur les cartes que le banquier va donc sortir. Alors, les cartes sont vraiment un jeu de hasard et d'argent pratique, parce que vous pouvez emporter votre paquet de cartes, hein, et jouer partout. Et puis, on voit apparaître au fur et à mesure et se développer les jeux qui utilisent la roulette, hein, donc avec le craps, etc. Ce sont des jeux qui se développent au XVIIIe siècle. Eh bien, allons jouer à la... Oui, allez-y, Elisabeth Belmas. Et également, vous avez les jeux de paris sur tableau, dont le tout premier est le terrible jeu de Oka, qui fait des ravages au XVIIe siècle. Donc, vous mettez votre mise sur des cases d'un tableau, et ce jeu se diversifie, est interdit très rapidement, mais il donne naissance à une infinité d'autres jeux très semblables au cours du XVIIIe. Eh bien, pour le moment, nous allons nous installer à une table de jeu à Versailles. Les jeux de hasard ont tenu une telle place dans la vie de société qu'on n'en finirait pas de citer les expressions dont le seul jeu de cartes, par exemple, a doté la langue française. On jouait gros jeu à la cour de Louis XIV et vous connaissez sans doute ce remarquable tableau que Madame de Sévigné a brossé d'une soirée à Versailles. À 3 heures, le roi, la reine, monsieur, madame, mademoiselle, tout ce qu'il y a de prince et de princesse, Madame de Montespan, toute sa suite, tous les courtisans, toutes les dames, enfin ce qui s'appelle la cour de France, se trouve dans le bel appartement du roi. Un jeu de reversi donne la forme et fixe tout. Le roi est auprès de Madame de Montespan qui tient la carte. 1000 louis sont répandus sur le tapis. Il n'y a point d'autres jetons. Dans l'émission Almanach de l'Union française de la radiodiffusion française en janvier 1951. Il est question des jeux de hasard sous l'Ancien Régime et notamment avec cette lettre de Madame de Sévigné écrite à Madame de Grignan, sa fille, le 29 juillet 1676. Le roi joue beaucoup, mais le roi joue non pas en tant que joueur, Elisabeth Belmas. Il joue parce qu'il y a une forme de sociabilité essentielle et pour aller plus loin, ce n'est pas tant le roi qui joue. Il faut que l'on joue autour de lui. Oui, c'est un élément que les moralistes des XVIIe et XVIIIe siècles soulignent, c'est que le jeu que l'on appelle maintenant de société, le concept se forge au cours de l'époque moderne, donc ce jeu de société devient une sorte d'obligation sociale. C'est dès qu'une société se réunit, à un moment donné, elle organise des tables de jeu. Et il faut savoir jouer aux jeux à la mode, et ces jeux variant au fil du temps. Je dirais qu'une valeur sûre est le piquet. Alors, le piquet est un jeu des familles, hein. On y a joué jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, dans les cafés en province, partout. Mais cela peut être également un jeu de hasard et d'argent. Dès lors qu'on va parier sur, on met une somme d'argent en jeu et qu'on parie sur le vainqueur. Donc, ce sont des jeux qu'il faut pratiquer lors des soirées, qu'il faut pratiquer à la cour et de façon générale même lors en province, dans le royaume, lors des soirées de bonne compagnie. Oui, le jeu peut ruiner, évidemment, et à la cour, justement, il y a toute une économie souterraine du jeu où le roi peut payer les dettes de ses favoris, de ses courtisans, et puis cette volonté de montrer la richesse de manière ostentatoire, perdre, c'est aussi un signe très fort. Ça fait partie de l'éthos nobiliaire où il faut dépenser de façon à montrer, je dirais, son prestige et son importance. A priori, un noble ne paie pas ses dettes. Et en tout cas, le roi est là pour secourir les courtisans malheureux au jeu. Mais à côté du jeu de la cour se développe au cours de la fin du XVIIe et surtout au cours du XVIIIe siècle, une véritable entreprise clandestine vouée au jeu, ce sont les académies de jeu qui sont totalement clandestines, qui permettent aux provinciaux ou à une partie de la population parisienne de se livrer au jeu de hasard et d'argent interdit et même à une partie de la cour de venir jouer à Paris. Ils jouent à la cour et ils viennent également jouer à Paris. Donc, comme vous pouvez le constater, on joue partout. On a inventorié à peu près le nombre d'académies clandestines à Paris au milieu du XVIIIe siècle. Il y en aurait eu 250 et 300. Voilà. C'est énorme. D'ailleurs, dans ce paradoxe de la monarchie qui à la fois joue à la cour et dès lors partout dans la société, mais qui interdit le jeu, peut-on dire que le jeu est en réalité interdit à partir du moment où la monarchie n'en bénéficie pas ? C'est peut-être un peu plus compliqué que cela, parce que d'un autre côté, la monarchie est garante de l'ordre, elle est garante du bien-être des familles, et vous avez certains souverains qui n'étaient pas des grands joueurs, je pense, et pas du tout joueurs même, je pense à Louis XIII, qui a fait paraître, enfin qui a promulgué l'ordonnance de 1629 qui annule toutes les dettes de jeu et qui pourchasse les organisateurs des parties de jeu. Alors, l'ordonnance prend comme prétexte que le jeu hasard et d'argent est devenu un fléau, qu'il touche particulièrement les jeunes gens, ce qu'on appelle les jeunes gens de famille, c'est-à-dire de familles nobles ou bourgeoises, lesquelles manifestent ainsi leur révolte de jeunes gens. Et désormais, Louis XIII ordonne que toutes les dettes seront considérées comme nulles et non avenues. Alors, en réalité, ça ne se passait pas tout à fait comme cela, puisque le point d'honneur exigeait que l'on acquitte ses dettes. Néanmoins, si les familles le voulaient, elles pouvaient recourir à l'ordonnance de Louis XIII pour faire annuler les dettes. Et je dirais que certaines familles faisaient même enfermer leurs enfants, leurs fils, à Saint-Lazare pour excès au jeu, au vin et aux femmes. Voilà, Saint-Lazare, oui, il faut rappeler cette prison où l'on pouvait enfermer pour dette, hein, qui est une peine qui a disparu heureusement, mais qui existait auparavant. Et Elisabeth Belmas, dans ce même mouvement de condamnation du jeu, mais de tolérance du jeu, il peut y avoir une forme de jeu qui est complètement autorisée. Ce sont les loteries pour construire des grands bâtiments, notamment des églises. Alors, le chemin qui a mené à la création de la Loterie Royale de France en 1776 est un chemin très long. Parce que il a fallu d'abord le jeu de hasard soit en quelque sorte désacralisé. Et il faut signaler le rôle très important joué par les mathématiciens dès le XVIe siècle et ensuite au XVIIe et XVIIIe siècle. Je pense en particulier à Pascal et puis tous les grands mathématiciens qui ont suivi Montmort, Huygens, Leibniz aussi, hein, qui était non seulement juriste mais scientifique, mathématicien, donc mathématiciens français et étrangers qui ont réfléchi sur le hasard. Et cette réflexion sur le hasard s'est appuyée sur le jeu de hasard. Donc ils ont démontré que le jeu de hasard n'était pas sacré, que c'était purement, je dirais, le hasard, c'est-à-dire une probabilité mathématique. Et cette désacralisation du hasard a servi la monarchie. Puisque désormais, étant donné que le hasard était une probabilité, était mathématique, on pouvait utiliser cette procédure aléatoire. Alors, s'est engagée à ce moment-là, dans la deuxième moitié du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, toute une réflexion sur le bien fondé des loteries. Et ce bien fondé des loteries a été justifié par la charité ou l'utilité publique. D'où l'utilisation des loteries pour rénover les églises ou construire les églises. On peut considérer que dans la première moitié du XVIIIe siècle, la moitié des sanctuaires parisiens a été construit ou rénové de cette manière-là. Et ensuite, un des travaux d'utilité publique, comme nous le disions au début de cette émission, en 1757, l'école royale militaire, et enfin en 1776, la loterie royale de France. Alors pourquoi le souverain s'est-il décidé à utiliser, à institutionnaliser la loterie qui jusque-là était ponctuelle ? Eh bien parce que il a eu besoin d'argent, mais ça les souverains ont toujours eu besoin d'argent et on sait bien que les États ont toujours besoin d'argent, mais aussi parce que les États européens avaient tous créé des loteries nationales, enfin des loteries d'État, et que les Français les jouaient à l'étranger. Donc le souverain s'est dit, après tout, il valait mieux garder l'argent des Français et les faire jouer en France. Alors, cette crainte, ben on la retrouve un peu de nos jours, puisque lorsque on a créé en France, on a ouvert les paris sportifs, et c'était dans les années 2010, donc on a autorisé les paris sportifs et que d'autre part, on a autorisé les jeux en ligne, ben on s'est aperçu que les Français jouaient à l'étranger. Et la réflexion de l'État qui s'est engagé alors était de se dire, ben, au lieu de jouer à l'étranger, il valait mieux qu'il joue dans l'espace national. Oui, l'analyse pour le passé vaut également aujourd'hui sur ces questions de jeu, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture. Jouer, mais qui détient les règles du jeu? Et notamment, c'est le cas pour les loteries royales. Eh bien, au lieu d'aller jouer à l'étranger pour les Français du XVIIIe siècle, parfois c'est un étranger qui arrive en France. Son nom est sublime, Casanova. Messieurs, il s'agirait d'instituer la loterie en France. Une loterie à 90 chiffres, sur lesquels 5 seulement seront gagnants, qui pourraient être tirés au sort une fois par mois. Qui devra la financer ? Le Trésor royal, par décret. Il suffira que l'on croie le roi capable de payer jusqu'à 100 millions. Ce qu'il faut, c'est éblouir. Mais le roi pourrait les perdre. Monsieur Casanova, dès le premier tirage, le roi pourrait perdre une somme d'argent aussi importante ? Combien demandez-vous pour organiser cette loterie ? 10% des bénéfices. Le décret stipule que la loterie de France aura sa maison mère, 6 rue Montmartre. Les billets gagnants seront payés 8 jours après le tirage. Silence ! S'il vous plaît, silence ! Numéro 27 ! Numéro 27 ! Giacomo, la recette est énorme ! 2 millions de francs ! Oui ! Tu es riche ! Riche ! Un extrait du film Le jeune Casanova de Giacomo Battiato en 2002. Elisabeth Belmas, Casanova, qui introduit la loterie en France au XVIIIe siècle. Bien sûr, nous sommes pétris de notre imaginaire lié à Casanova, notamment. Est-ce réel ? Alors, c'est surtout le vrai pour la loterie de l'école royale militaire. Casanova a joué un rôle dans la mise sur pied de la loterie de l'école royale militaire. Il avait été présenté par le cardinal de Bernice au duc de Choiseul et au contrôleur général de finances de l'époque qui s'appelait Boulogne. Et il s'était associé à deux Livournais installés à Paris, qui étaient les frères Calzabigui, pour leur proposer une loterie de 90 numéros. Alors c'est une loterie comme la loterie royale de France plus tard, sur le mode du loto génois, qui n'a rien à voir avec le loto des familles. Hein. C'est assez proche finalement du loto de la FDJ actuelle, de FDJ actuelle. La Française des Alors, Jeux. Alors c'est là, oui, la Française des Jeux. Et donc c'est vrai que c'est le rôle de Casanova a été assez important dans la construction de cette loterie. pour la loterie royale de France, oui, l'appli avait été pris avec la loterie de l'école royale militaire, mais on peut signaler aussi le rôle joué par le mathématicien d'Alembert. Parce que lorsqu'on fait une loterie, lorsqu'on crée une loterie, il faut surtout prendre garde à ce que l'État soit gagnant au bout du compte. Alors, le taux de redistribution est important. En redistribution aux joueurs, entendons-nous, mais il est important que l'État ne se trouve pas en déficit. Et dans les premières loteries, eh bien, c'était ce qui arrivait. D'une certaine manière, D'une certaine manière, disiez-vous. On peut considérer que le XVIIIe siècle est le siècle des loteries, parce que on s'attarde à la loterie royale de France, à juste titre. Mais ce XVIIIe siècle a connu aussi les emprunts lots, c'est les emprunts d'État sous forme de loterie. C'est-à-dire que l'État emprunte et il rembourse son emprunt par tirage au sort avec un bénéfice, voyez, sous forme de loterie. Donc il y a toute une série de et toutes diverses formes de loterie qui se multiplient au XVIIIe siècle. Et je dirais que les loteries emprunts d'État sont particulièrement prospères. Elles ont aidé le trésor royal dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Et puis elles n'ont pas disparu, elles se sont maintenues encore au XIXe siècle, en partie, avec pour les joueurs toujours le même sentiment, espérer gagner beaucoup, sans doute avec la conscience que la probabilité est réduite. Mais alors, si je gagnais les 5 millions, ça c'est ce que se demandait Albert Préjean. Des gens sur la terre à qui tout réussit, il y a des gens au contraire qui ne sont pas vernis. Moi depuis mon enfance, même au tir au nougat, je n'ai jamais eu de chance, et pourtant malgré ça, je me dis tout de même, ça doit changer un jour, c'est pas toujours les mêmes, et tôt ou tard ce sera mon tour. Si j'avais la veine, gagner les 5 millions dans ma vie quotidienne, oh quelle transformation. Un soir je m'arrête, j'achète les journaux. Qu'est-ce que je vois en manchette? Mon numéro. J'arrive chez moi d'un bond, avec la joie dans l'âme, et je crie à ma femme, ça y est, nous les avons. Boum, là ma belle-mère qui meurt de congestion, vous parlez d'une affaire, si je gagnais les 5 millions. Ma poison de pipelette qui m'engueulait tout le temps viendrait me faire des courbettes et des tas de compliments. Mon cousin Philogène qui m'a traité de cocu viendrait me dire, j'espère Eugène que tu ne l'as jamais cru. Mes neveux de Narbonne qui se croient mes héritiers, chaque jour par téléphone m'interrogerait sur ma santé. Si j'avais la veine, gagnerais 5 millions. J'achèterais en Touraine un vieux château breton. Oh, quelle chose exquise d'avoir des bains chez soi pour se laver la salive une fois par mois. J'aurais des châssis à moi, une gouvernante anglaise, une douche écossaise, un pédicure chinois. Je voudrais sur la terre toutes les satisfactions. Je ferais marcher les affaires si je gagnais les 5 millions. Je mettrais dans les ordures. Albert Préjean, si je gagnais les 5 millions dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Élise le cours de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui aux loteries royales, oui, les jeux du roi et du hasard. Elisabeth Belmas, avec Albert Préjean, nous entendons ce fantasme de gagner les 5 millions, le rêve de la fortune. Le fantasme est le même au XVIIIe siècle. Il y a une effervescence autour de la question du jeu, de l'enrichissement rapide. Comment la société contrôle-t-elle ça? Le roi regarde la paix publique et en mettant en place des loteries, il ne faut pas que cela perturbe justement cette paix publique. Oui, alors d'abord, il faut savoir que l'organisation de la Loterie Royale de France est assez remarquable parce que vous avez des bureaux provinciaux et tout un système de receveurs, de buralistes et de colporteurs qui diffusent les billets. Ces billets d'ailleurs ne sont pas très chers et on peut en acheter un dixième, on peut en acheter donc une partie ou les acheter en totalité. Donc assez vite, la Loterie Royale a drainé de très grosses sommes d'argent. Alors cela a soulevé le mécontentement des philosophes et en particulier dans la dernière moitié du XVIIIe siècle, le dernier quart, pardon, du XVIIIe siècle, des physiocrates qui ont lancé des charges très très violentes contre la loterie, l'accusant de concourir à la ruine des familles. Mais ceci, en réalité, nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Nous ne disposons pas des instruments d'analyse dont aujourd'hui la France est pourvue, comme l'Observatoire des Jeux. Et ensuite, le résultat a été qu'en 1793, la Convention a aboli la loterie, qui était devenue nationale, bien entendu, avec la Révolution. Alors, cette abolition a duré peu de temps, puisqu'en 1797, comme les caisses du directoire étaient à sec, ils ont rétabli la loterie, les gouvernants ont rétabli la loterie. Elle a duré donc jusqu'en 1833, et en 1833, donc sous la monarchie de Juillet, à la fois pour des raisons morales, toujours les mêmes, hein, la ruine des familles, l'immoralité des jeux de hasard et d'argent, et aussi pour des raisons économiques, le texte dit « il n'y en a pas besoin », la loterie donc a été supprimée. Et alors, on autorisait quand même les loteries de charité, les loteries de divertissement, mais en tout cas, il n'y avait plus de loterie d'État. Et c'est en 1933 que la loterie nationale a été rétablie. Elle a été rétablie en la suite de la Première Guerre mondiale, hein, avec le premier essai de la loterie des gueules cassées dans les années 21. Hein. Il fallait indemniser et aider les soldats qui avaient eu la figure abîmée et qui étaient gravement handicapés. Et c'est depuis 1933 donc qu'elle est remise à l'honneur et qu'elle n'a cessé depuis lors de fonctionner. Mais vous pourrez constater que de nouveau, c'était un motif charitable, un motif d'utilité publique qui avait autorisé donc son rétablissement. Donc vous voyez, il y a toujours cette suspicion et toujours une forme de condamnation implicite dans les jeux de hasard et d'argent, même surveillés par l'État. Elisabeth Belmas, je vais vous faire plaisir, ainsi qu'aux auditeurs, aux auditrices de France Culture, en écoutant une archive pâtée, celle de 1933. Et oui, la loterie est là. Je déclare ouverte la séance du tirage de la première tranche de la loterie nationale. Dans la série 1, les numéros 18 414 gagne 5 millions. Hier soir, je me suis couché comme d'habitude à 9h. Et à 11h du soir, M. le percepteur est venu me taper à la porte pour m'annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, M. Bonneau, qu'est-ce que vous allez faire de cette somme énorme-là? Ben, je n'en sais rien encore. Et le magasin, qu'est-ce que vous allez en faire aussi? Pour le moment, je compte le garder. Ah, ça c'est bien alors. Mais alors, cette fortune alors? Je ne sais pas ce que j'en ferai. Ah ben, vous n'êtes pas encore décidé, quoi. Non. Ben non, il n'est pas encore décidé. La loterie en 1933 est rétablie. Mais Elisabeth Belmas, sur cette constante de réflexion autour de la loterie, nous voyons qu'il y a des moments où elle est autorisée, des moments où elle est interdite. En parallèle, il y a tous les jeux de hasard qui, eux, sont plus ou moins clandestins. Et ils sont, alors peut-on dire, systématiquement condamnés? Oui, oui. Mais, si vous voulez, les textes nous donnent, au fond, la surface des choses, nous rappellent la surface des choses. Car les textes énumèrent les jeux de hasard qui sont condamnés et qui, comme je vous l'ai dit, ne cessent de se multiplier ou alors de changer de nom. Hein. Il suffit que les textes condamnent un jeu et que la police les poursuive pour qu'ils réapparaissent avec quelques transformations minimes et sous un autre nom. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi tout le jeu sur le jeu. Par exemple, lorsqu'on joue à, mettons, on fait une partie de piquet, vous pouvez avoir la somme mise sur la table par les joueurs, qui sera distribuée, la cagnotte qui sera attribuée au vainqueur. Mais en même temps, vous avez tout autour l'assistante, souvent à l'époque assise sur les célèbres chaises à pontée, et qui sont des chaises un peu basses, où on se met à genoux, on regarde le jeu des joueurs, et cette assistance parie sur le vainqueur. Donc vous avez un jeu dans le jeu perpétuel, et ça, les textes ne nous le disent pas. Mais les textes condamnent le jeu, et notamment au XVIIIe siècle. Vous allez écouter, c'est une lecture d'un extrait de l'abbé Dupréau, un ouvrage intitulé « Le chrétien parfait honnête homme » de 1749. Le jeu est-il opposé au titre de vrai chrétien? Convient-il à l'honnête homme? Le jeu considéré en lui-même et dans sa nature n'est ni péché ni vertu. Il est de l'ordre des choses qui sont indifférentes. Qu'on joue dans des circonstances louables et dans de bonnes vues, on mérite. Joue-t-on par passion, avec excès à des jeux défendus, on pêche. Un jeu d'habitude, d'occupation, un jeu continuel ne convient ni aux chrétiens ni à l'honnête homme. Un jeu d'intervalle, de délassement, plaît, et il est nécessaire. La passion du jeu est ruineuse. Loin de nous enrichir, elle nous appauvrit. Elle nous dérobe beaucoup de temps, elle nous enlève la liberté, elle vide notre bourse, elle fouille notre conscience. Daniel Königsberg, qui dans le cours de l'histoire aujourd'hui est l'abbé Dupréau en 1749, qui condamne le jeu en réalité sans le condamner. Elisabeth Belmas, tout le discours autour du jeu est celui en fait de la mesure, de la tempérance. Le jeu est acceptable, mais il ne faut pas se ruiner. C'est toute cette réflexion sur la passion. Nous sommes vraiment ici au siècle des Lumières, de la réflexion sur ce que doit être l'individu, sa manière de se maîtriser lui-même. Oui, le texte de l'abbé Dupréau est un très beau texte parce qu'il résume la position et tous les arguments mis en avant aussi bien par les hommes d'Église que par la suite par les philosophes au cours du XVIIIe siècle. Ce qui est important, c'est de garder la mesure. Et les théologiens, les moralistes et les philosophes disent tous « ce qui importe, ce sont les circonstances, les personnes et le temps ». C'est qu'on consacre au jeu, c'est-à-dire dans quel cadre ce jeu a-t-il lieu, est-il d'une nature, je dirais, interdite ou licite, non ? C'est-à-dire un jeu de commerce, un jeu d'adresse. Le commerce, c'est le nom que l'on donne au jeu d'adresse au XVIIIe siècle. Et où est-il au contraire d'une nature pécheresse, c'est-à-dire un jeu de hasard et d'argent ? Le lieu. C'est-à-dire, on ne joue pas pendant le temps de travail, et les personnes, les mineurs, les enfants de famille, les mineurs, les femmes aussi, et les personnes simples d'esprit, ne doivent pas jouer. Et beaucoup de juristes se sont penchés sur la question du jeu, envisagé comme un contrat. C'est un contrat, mais ce contrat, pour être valable, doit respecter toujours ces circonstances les circonstances, le lieu et les personnes. Elisabeth Belmas, vous évoquez les juristes, effectivement, historienne du jeu, vous avez accès à des sources extrêmement variées, que ce soit des sources bien sûr iconographiques, qu'il y ait toutes ces réglementations, les réflexions des juristes, celles des religieux, celles des philosophes. Le jeu est partout dans le débat aussi, dans la réflexion sur qui sommes-nous dans la société. Oui, moi j'ai tendance à dire, dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es ou quelle société tu es. Et donc, oui, c'est vrai, c'est un débat à la fois théorique et pratique. Mais cela montre que personne n'arrive à contenir le jeu véritablement. Pendant des siècles, les autorités essaient de le réguler, de le contenir et les gens jouent. Et innove sans arrêt, crée de nouveaux jeux. Donc le jeu est, semble-t-il, consubstantiel à l'homme, puisque on joue depuis les sociétés les plus anciennes et qu'on continue aujourd'hui en variant les plaisirs ludiques. Personne n'arrive à contenir le jeu, personne n'arrive à contenir le joueur. Il est très difficile d'être un intellectuel au XVIIIe siècle. Oui. Il faut gagner sa vie d'abord, ce qui n'est pas du tout évident. Alors pour ceux qui sont bien en cours et qui connaissent le succès assez précocement, les choses vont bien. Mais pour d'autres, il faut vivre d'expédients. Et ces expédients, c'est le fait d'être entremetteur, souteneur, tricheur, vendre sa plume au plus offrant, écrire des libelles à gauche et à droite. Et la vie d'Ange Goudard, c'est une succession d'expédients pour vivre, pour survivre, et pour écrire aussi ce qu'il a envie d'écrire, parce que entre des ouvrages de circonstances, il a écrit aussi des choses qui lui tiennent à cœur, hein, en particulier dans le domaine de la critique politique et sociale. Hein. Mais en même temps, il a également des prétentions, si j'ose dire, au redressement économique des pays aussi. Hein. Ah, il se fait économiste aussi. Il fait des essais économiques. Oui. Hein. À l'époque, je dirais qu'il fallait être d'abord économiste pour être pris au sérieux. Ouais. Et il écrit un livre qui a été aussi un best-seller de l'époque, qui s'appelait « Les intérêts de la France, malentendu », où il propose un plan de redressement de l'économie française, tout à fait intéressant, hein, à lire encore aujourd'hui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on écrivait à cette époque-là, Mirabeau, Quesnay, etc. Dans l'émission Lettre ouverte du 27 juin 1990 sur France Culture, Jean-François Lhérété évoque Ange Goudard. Ange Goudard, personnage très intéressant parce que Jean-François Lhérété, donc historien, et puis également sociologue, réfléchit à ce personnage qui est entre l'économie, la volonté de publier ses livres de philosophie, mais aussi obligé d'être joueur, notamment pour gagner de l'argent. Vous pouvez nous le présenter, Ange Goudard, dites-nous Elisabeth Belmas. Oui, c'est un personnage tout à fait fascinant. Je dirais qu'il fait partie de ces grands aventuriers du XVIIIe siècle. Casanova en est un parmi les plus connus, mais il y en a d'autres. Hein, Tchoudi, Chevrier, Fougeray de Montbron, Cagliostro, Thévenot de Morand. Donc toute une série d'hommes qui sont à la fois écrivains, juristes, diplomates, souvent d'ailleurs aussi des agents doubles. C'était le cas d'Ange Goudard. Enfin, il travaillait pour la France, il était au service de la France. Et Goudard était un personnage fascinant parce que il a écrit à côté de l'histoire des Grecs, qui est une sorte d'utopie d'un monde gouverné par les Grecs. Moralité, les Grecs, c'est le nom donné aux tricheurs, hein, à l'époque, l'un des noms donnés aux tricheurs. Les Grecs désignent une partie des hommes politiques, hein, de l'époque qui volent le pays. Et il a écrit des ouvrages fort sérieux, hein, des ouvrages de réformation politique très sérieux. Alors, il n'a cessé de bouger. Hein. Pour vous donner un exemple, à l'âge de 20 ans, il est parti pour la Turquie. Il en est revenu en 1729 à la mort de son père. En 1743, il est parti de Montpellier pour la capitale. Il a dilapidé sa part d'héritage. En 1744, il était dans diverses cités d'Italie. En 1752, il était au Portugal, chargé d'une mission d'espionnage. Et ensuite, il s'est réfugié à Avignon, il est allé en Angleterre, à Vienne. Vous voyez donc, c'est un véritable tourbillon. Il n'est pas le seul. Les grands aventuriers de son acabit ont mené cette existence d'errance à travers toute l'Europe. Et par ailleurs, lorsqu'il n'avait pas assez d'argent, eh bien effectivement, il a demandé le secours du jeu. Il s'est d'ailleurs fait expulser d'un certain nombre d'endroits, en particulier de Toscane, parce que effectivement, il trichait. Puis en même temps, il était souteneur un petit peu. Il utilisait les charmes de sa compagne, enfin de ses compagnes, et entre autres de sa compagne irlandaise. Voilà. Donc c'est un personnage fascinant parce que ce personnage a eu accès au plus grand, mais qu'en même temps, à côté de ses talents de tricheur, de ses talents mondains, eh bien, il a écrit des ouvrages particulièrement savants. Et que l'on peut comparer aux ouvrages des grands philosophes réformateurs. Oui, effectivement. D'ailleurs, ces ouvrages, pour certains, je pense à l'espion chinois publié de manière anonyme, certains disaient qu'il était de Voltaire. Alors que non, c'était pas Voltaire, c'était bien Ange Goudard qui l'avait écrit. Mais avec ce personnage, Elisabeth Belmas, nous pouvons réfléchir au rôle de la police dans cette histoire. La police est là pour appliquer les décisions royales qui peuvent interdire les jeux. Mais en réalité, c'est l'ensemble de l'univers autour du jeu qui pose problème. Et là, avec Ange Goudard, vous l'avez évoqué, il est un peu souteneur. Nous sommes dans le côté malfamé. Il y a l'aspect souterrain de la chose. C'est ça aussi qui fait que le jeu est regardé d'une manière un peu étrange par le pouvoir royal. Alors, la police des jeux, il y a un département de la police des jeux à Paris au XVIIIe siècle. Et la police des jeux est une police à la fois sévère et tolérante. C'est-à-dire qu'elle fonctionne par à-coups. Elle n'a pas les moyens, bien qu'elle dispose de nombreux indicateurs, elle n'a pas les moyens de tout réprimer. Donc, elle fonctionne essentiellement par dénonciation. Dans ce cas-là, elle investit les académies clandestines et après, elle expulse tout le monde en dehors de Paris Bon, au bout d'un certain temps, les joueurs rentrent. Hein. Entre-temps, d'ailleurs, ils ont vécu en province en jouant. Donc, ils ont en quelque sorte essaimé le virus ludique, hein, on peut dire. Et puis, l'un des grands problèmes de cette police des jeux, c'est qu'elle a eu beaucoup d'inspecteurs qui étaient eux-mêmes corrompus, qui étaient achetés par les académies, par les organisateurs de jeux, et qui fermaient les yeux. Je dirais que pour la police de Paris, le jeu était quand même un problème mineur à côté du vol, qui augmente au XVIIIe siècle, à côté également des meurtres et de la sécurité publique. Mais c'était un problème qu'elle surveillait, qu'elle contenait, mais en sachant, sans beaucoup d'espoir, que le roi jouait à Versailles et que donc Paris suivait. Paris suivait, et puis le temps de l'histoire politique n'est pas le même que celui de l'histoire culturelle. Le roi joue à Versailles, mais le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille. Chose étonnante, mais la loterie continue au même moment en fait. Nous regardons l'événement révolutionnaire avec ce qu'il y a de majeur, la prise de la Bastille bien sûr, mais dans le souci des Parisiens, il y a aussi... Mais quels numéros vont être tirés au moment de la loterie ? Bien sûr, on a souvent dit d'ailleurs que le jour du 14 juillet, Louis XVI, qui n'était pas joueur, hein, même si Marie-Antoinette l'était beaucoup, lui n'était pas joueur, donc Louis XVI avait indiqué dans son journal de chasse qu'il avait chassé. Voilà, il ne s'était pas du tout préoccupé des événements de Paris. Et c'est vrai que les Parisiens ont joué, ont continué à jouer à la loterie à ce moment-là, parce que c'est au fond un exutoire, c'est aussi le rêve d'un monde meilleur, comme vous l'avez dit lorsque vous évoquiez le premier gagnant du Locoto, ce coiffeur de Tarascon qui d'ailleurs a fini par céder son salon à son premier commis. Et donc c'est tout d'un coup l'espoir de voir son sort totalement transformé, de voir sa vie totalement transformée. Donc les gens, et en particulier le peuple de Paris qui vit dans des conditions difficiles, s'accrochent toujours à cet espoir. Et ça explique que jusqu'à l'interdiction de la Convention, la loterie nationale est continue. Et puis ça explique aussi pourquoi de nos jours la loterie fonctionne très très bien, quelle qu'elle soit nationale, française, européenne encore, et de toute forme, nous n'arrêtons pas de jouer, notre société est devenue une société de jeux. Merci vivement Elisabeth Belmas. Je rappelle vos ouvrages, hein. Jouer autrefois, essai sur le jeu dans la France moderne, donc 16e siècle, 18e siècle, c'est aux éditions Champvallon, et puis Les soldats du roi à l'hôtel des Invalides, études épidémiologiques historiques, études d'épidémiologie historique, et ça je l'ai bon, 1670-1791, CNRS édition. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. Bonne journée. Très au revoir. Bonne journée. Il est temps de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, les usages de l'histoire face à l'épidémie. La Deuxième Guerre mondiale tient toujours le haut du pavé des événements traumatiques auxquels on se réfère pour lire ce qui nous arrive. Alors qu'en France, les comparaisons avec l'occupation allemande ont marqué le premier confinement pour décrire le spectacle étrange des files d'attente devant les magasins alimentaires, récemment, l'usage du couvre-feu a fait rebondir cette rhétorique de l'anachronisme historique. Au Royaume-Uni, c'est l'esprit du Blitz qui a été convoqué pour stimuler l'Union nationale face à l'épidémie, tandis que Boris Johnson aimait à comparer sa politique à celle de Winston Churchill. Une comparaison qui réactive un mythe, selon l'historien Bruno Cabanne, déjà actif dans la propagande des années 40, pour peindre un peuple stoïque et uni dans l'adversité, soumis à la campagne de bombardement des villes anglaises, avec un slogan auquel les autorités publiques avaient pourtant renoncé à l'époque sous les bombes, « Keep calm and carry on ». Une guerre mondiale convoquée aussi aux États-Unis, où la propagation du virus a été baptisée « Moment Pearl Harbor », en référence à l'attaque japonaise qui a justifié l'entrée en guerre du pays en 1941. Une analogie à double sens, puisque l'invasion en provenance de l'étranger, qui plus est asiatique, correspondait à merveille avec les accusations xénophobes contre ce virus chinois lancé par le président en poste, en mal de coupable pour masquer la détresse populaire négligée par l'État. We are coordinating with the Chinese government and working closely together On the coronavirus outbreak in China, my administration will take all necessary steps to safeguard our citizens from this threat. En Allemagne, c'est la lutte contre le nazisme qui est convoquée pour protester contre les restrictions des libertés publiques justifiées par la crise sanitaire. Une référence analysée par Anne-Coralie Bonner sur le site The Conversation qui appelle à la vigilance face à la banalisation du nazisme. Dans les manifestations récentes contre les masques et les restrictions sanitaires, un groupe en particulier, les Querdenker, s'y réfère directement. Fin novembre, l'émotion était forte lorsqu'une jeune manifestante a pris la parole pour dénoncer une dictature du gouvernement, une Merkel-dictature, en se comparant dans un même mouvement à Sophie Scholl, qui animait avec son frère la Rose Blanche, un groupe de résistants allemands exécuté par les nazis en 1943 à Munich. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Cette déclaration inappropriée succédait à celle d'une enfant, cette fois, qui avait publiquement fait référence à Anne Frank pour décrire son confinement. Anne-Coralie Bonner commente avec ironie cette mobilisation du passé. Je cite « De nos jours, la démocratie et la liberté d'expression prévalent. La preuve, on a le droit de faire des comparaisons historiques loufoques sans rien risquer. » Alors que Sophie Scholl, elle, savait ce qui l'attendait. Les transcriptions de ses interrogatoires par la Gestapo ne laissent aucun doute là-dessus. C'est comme si demain, une anti-masque lambda se comparait à Jean Moulin. Or, Jean Moulin risquait la mort et le savait. La manifestante lambda risque seulement de se couvrir de ridicule et ne le sait pas. Fin de citation. Merci beaucoup Anaïs qui en retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur l'application Radio France et sur notre site franceculture.fr. Toute la semaine, le cours de l'histoire sur France Culture a l'esprit joueur. Oui, jouer en société, d'où viennent les règles du jeu, les stratégies sur les plateaux. Oui, aux origines des jeux de société, ben, le jeu de plateau joue, grandit, apprend quand la cour de récré devient la salle de classe. Et n'oublie pas mon petit soulier, oui, une histoire des cadeaux de Noël, c'est ce qui nous intéresse tous la semaine dans le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster pour la balade aux diffusions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, un groupe où l'on cause d'histoire et notamment de l'actualité de l'histoire. Demain, nous nous installons donc devant un plateau de jeu, mais attention, un plateau antique. Oui, nous allons jouer romain aux origines des jeux de société.